الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 33e leçon de cette série de leçons sur l'Itqan de l'imam Suyuti, un livre qui traite des sciences du Coran. Bon, nous avons déjà commencé la quatrième grande branche des sciences du Coran, à savoir les sciences relatives à l'interprétation du Coran. Bon, la dernière chose qu'on a faite, c'est l'étude des tas des textes, les sciences relatives à l'état du texte, à savoir les portées des textes. Hein, nous avons étudié les portées telles que le muhkam et le mutashabih, le péremptoire et l'équivoque, le global et le détaillé, l'énoncé comportant, ne comportant pas de conditions limitatives, c'est ce qu'on appelle le mutlaq, et l'énoncé comportant des conditions limitatives, ce qu'on appelle le muqayyad, hein, nous avons étudié aussi le mantouq et le mafhoum, hein, le sens explicite et le sens implicite, hein. Nous avons aussi étudié l'abrogeant et l'abrogé. Bon, tout cela, ça concerne, quoi, ce sont l'étude des portées des textes dans un esprit d'argumentation et de déduction des prescriptions, de déduction des enseignements. Hein? Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter le thème de la balara. Nous sommes toujours dans l'étude de l'état du texte. Nous allons étudier la rhétorique, parce que la balara signifie la rhétorique. Bon, il a son correspondant en langue française. La balara vient du nom balar. En fait, balar est une apocope de balara. En arabe, il y a la lettre ta, la lettre ta sous forme de boucle. C'est un ta féminin qui joue un rôle ici, qui joue un rôle d'intensif. Le verbe balara yablughu bulugh, c'est-à-dire atteindre un but déterminé. Le bulugh, vous connaissez le bulugh, c'est l'atteinte de la maturité, maturité sexuelle, la puberté. Hein, on traduit la puberté par bulugh. Hein, un certain niveau de virilité chez l'homme, hein, maturité. Le balara, avec le ta qui est un intensif, c'est le fait d'atteindre l'ultime objectif. Dans une chose déterminée. Hein? Dans quoi? Dans l'élocution, dans la parole. Le balara, c'est le fait que le locuteur parvienne à transmettre parfaitement l'idée de son discours. Hein? Il transmet son idée ou ses idées à ses auditeurs de la manière la plus parfaite, la plus éloquente et la plus claire. Hein? Il a exprimé l'idée comme il se doit. Et l'interlocuteur a bien compris. Il a bien saisi le discours. La balara, hein, suppose les deux parties, le locuteur et l'interlocuteur. C'est très important. Parce que la balara tient beaucoup compte à l'auditeur, au destinataire. Hein. Non seulement le locuteur s'est bien exprimé, hein, mais il s'est fait comprendre par l'interlocuteur. Il a adapté son discours à l'interlocuteur. Ah, il y a la visée persuasive, et il y a aussi une notion esthétique. Hein? Persuader, convaincre de la plus belle manière. Les rhétoristes ou les ulama de la balara ont maintenu ce sens linguistique dans leur vocabulaire terminologique. La balara, elle a gardé ce sens-là. Hein? Le sens terminologique n'a pas ajouté grand-chose au sens linguistique. S'exprimer avec balara, c'est s'exprimer avec éloquence tout en adaptant son discours à la situation dans laquelle se trouve l'interlocuteur. La situation varie. Parfois, tu te trouves devant un interlocuteur qui est d'accord avec toi, et là, tu emploies un discours qui respecte cet accord. Hein. Parfois, tu te trouves devant un négateur ou devant un sceptique ou quelqu'un de méfiant ou quelqu'un d'indifférent. Là, le discours change. Hein. Tu ne t'adresses pas à un négateur comme tu t'adresses à un approbateur. Tu adaptes ton discours à l'état de l'interlocuteur. contempler avec moi la diversité des passages coraniques en matière de balard, de rhétorique. Je ne parle pas de diversité phonétique, ni de structure, ni diversité thématique, ni diversité dans les prescriptions, mais je parle de la diversité stylistique, dans les figures de style, qui ont une force persuasive et qui usent de procédés esthétisants destinés à faire vibrer, si vous voulez, le lecteur, à le captiver, jouer sur une corde sensible chez le lecteur, corde émotionnelle, spirituelle, ou même intellectuelle, s'il goûte les finesses de l'intellect qui se trouve dans le Coran. Donc, j'ai dit diversité dans la balara, dans les versets coraniques. Parfois, subhanallah, tu trouves des passages du Coran qui sont remplis d'intensifs. Pourquoi ? Pour réveiller l'indifférent, pour le secouer, pour secouer celui qui est insouciant. Et parfois, tu te trouves devant une série de versets, une série d'arguments qui s'enchaînent pour convaincre le sceptique ou le négateur. Des versets qui sont remplis d'intensifs, comme par exemple le surat al-Asr, ou al-Asri, « Inna l'insana la fi khusr ». Cette sourate, elle commence par un intensif, qui est le serment. Allah jure par le temps. Je peux te redonner l'importance du temps. Jure par le temps. Innal insana la fi khusr. Innal insert l'homme est en perdition. Est en perdition. Inna, la particule, qui régit le sujet à l'accusatif et qui introduit l'affirmation. Tawkid. Inna, c'est pour affirmer l'idée dans la phrase. Al-insan, l'emploi de al, le alif ou le lam qui introduit la généralité. Et donc, l'homme, n'importe qui, et donc, moi, toi, tout le monde est concerné par ce verset-là. Lafi khusr, il n'a pas dit fi khusr dans, mais il a dit lafi, il a ajouté le lam du serment qui est aussi un intensif. Fi khusr, dans la perdition. Il n'a pas dit perdant, khasr. Il a dit dans la perdition. Là, c'est un autre intensif. Il a employé une expression plus forte. Dans la perdition. C'est comme il disait, l'homme est donc plongé dans la perdition. Puis vient la particule exceptive. Illa alladhina amanu. L'exception. Là, c'est comme sauf que c'est une délivrance. Il accepte de cette perdition ceux qui croient et ceux qui œuvrent pieusement. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Se conseillent mutuellement la vérité et se conseillent mutuellement la patience. D'accord? Donc, méditez avec moi comment cette sourate est remplie d'intensifs pour secouer la personne qui est insouciante. Ailleurs, dans une autre sourate, tu trouves une succession de versets employant la forme interrogative visant à convaincre. Mais une forme interrogative qui frappe l'esprit, qui frappe l'intellect et qui vise à convaincre le négateur ou le sceptique. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Amman khalaqa as-samawati wal-ard » وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله n'est-ce pas celui qui a créé les cieux et la terre qui fait descendre pour vous du ciel une eau par laquelle nous faisons pousser des jardins merveilleux dont vous n'aurez jamais pu faire pousser les arbres avec Allah peut-il y avoir un autre Dieu أإله مع الله comme dit la sourate An-Naml. Donc, style très beau qui appelle à la raison. Et toute la série, tous les versets qui vont après, « Amma yujibu al-muttarra idha da'ahu yakshifu as-su » n'est-ce pas celui qui répond à la personne qui est en détresse et qui dissipe le mal. Donc, une série d'interrogations qui visent à convaincre. الله سبحانه وتعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الله fait descendre le plus beau des récits un livre متشابه مثاني un livre متشابه dont les éléments se ressemblent Ça, c'est concernant les finalités du Coran. Ces finalités tournent autour des mêmes thèmes. Hein? Faire connaître Allah, faire connaître son envoyé, la voie qui mène à lui, le raïb qui nous attend, à savoir le jour de la résurrection, le paradis, l'enfer. Hein? Donc, du point de vue des finalités, le Coran est mutashabih. Il est mutashabih. Ces éléments se ressemblent. Mathani, dans Mathani, il y a la notion de dualité. Doublé, tourné, retourné. Hein? Alternance, variété. Donc, dans Mathani, il y a la notion de déploiement. Hein? Tasrif, c'est ce qu'on appelle tasrif. Onzor kayfa nusarrifu al-ayati, thumma hum yasdifun. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate l'An'am. Vois comment nous varions les signes et comment ensuite ils s'en écartent. Nous déployons les signes, nous les envoyons sous diverses formes. Hein? Certains savants disent que le tasrif des versets, l'envoi des versets sous différentes formes, le déploiement des versets, hein? L'alternance, le tasrif des versets est comme le tasrif du vent. L'envoi du vent sous différentes formes et intensités. Il y a des vents froids, il y a des vents chauds, il y a des vents humides, il y a des vents secs, il y a des vents légers, il y a des vents violents, hein, des tempêtes. Et le but, c'est quoi? Le but de ces vents-là, c'est accumuler les nuages pour qu'ils fassent tomber la pluie et faire pousser hein, l'herbe et les fruits en abondance. Hein. Les versets du Coran, c'est pareil. Hein? Il y a des versets de la menace de l'enfer, il y a des versets de la promesse, hein? Il y a des versets de la douceur, il y a des exhortations. Donc, différentes figures de style, et le but c'est le même. Le but c'est l'affirmation de la vérité. Le but c'est guider vers la vérité. D'accord? Donc, la balagha, la rhétorique, comme l'ont défini les savants, comme définit, je pense, l'imam Al-Qazwini, il a dit, c'est l'adéquation du discours à la situation d'énonciation et l'éloquence de celui-ci. Al-balagha mutabaqatu al-kalam li muqtada al-hal ma'a fasahati. L'adéquation du discours à la situation d'énonciation et l'éloquence de celui-ci. Donc, toujours dans le balagha, il faut mettre dans la tête toujours le destinataire, le mutalaqi, celui qui reçoit le message, à qui on s'adresse. Il faut adapter le discours à son état, d'accord, pour le toucher. Il y a toujours la visée persuasive, convaincre. Vous savez, les savants de la balagha, ils ont traité de la balagha dans le but de prouver l'inimitabilité hein, du Coran, l'ijaz du Coran, d'accord. Parce que bon, l'éloquence et cette adéquation, elle diffère. Elle est de plusieurs étapes. Hein? Le degré le plus bas, c'est le fait de se faire comprendre. Et puis, il y a une autre étape. On utilise des figures de style qui sont plus persuasives et qui touchent plus l'interlocuteur. Et le sommet de la balagha, c'est les balagha du Coran. Au point que certains linguistes, certains rhétoristes ont dit, bon, la parole des Arabes, c'est soit la poésie, c'est soit la prose, c'est soit le Coran. Donc, balagha, l'adéquation du discours à la situation d'énonciation et l'éloquence. L'éloquence, c'est quoi? C'est la fasaha. La fasaha, c'est le zuhur ou le bayan, comme disent les Arabes. Un zuhur, on dit afsaha subh. C'est-à-dire le l'aube est apparu, l'aube s'est éclaircie. Donc, le fasaha, c'est la clarté et la manifestation et l'expression avec des termes clairs. On dit afsaha sabi, l'enfant a parlé clairement. A commencé à dire des mots. On dit afsaha. D'accord? Et la fasaha, c'est le fait de parler avec des mots qui sont connus des gens. Ou qui sont employés dans le langage du pays dans lequel on vit ou de la population au milieu de laquelle on se trouve. Hein, d'accord? Donc, on emploie des termes qui sont employés par les gens, que ce soit en ce qui concerne la composition des mots ou en ce qui concerne leur signification. D'accord? Et les savants, les rhétoriciens, ils ont émis des critères qui permettent de juger qu'une telle parole est éloquente et des critères qui permettent de juger qu'un tel mot, qu'un mot est éloquent. Et donc, il y a des critères de l'éloquence du mot et les critères de l'éloquence de l'énoncé ou de la phrase. Critères de l'éloquence du mot. Ils ont dit que pour qu'un mot soit éloquent, bon, il faut que les lettres qui composent ce mot-là ne se repoussent pas. Vous savez, les mots, les lettres sont comme des êtres humains. Quand ils se connaissent, ils sympathisent. Et quand ils ne se connaissent pas, ben ils se repoussent. Hein? Quand ils se connaissent, bon, ils sympathisent. Ben pareil pour les lettres. Hein? Et les savants ont dit que les lettres, il faut que dans un mot, les lettres ne soient pas, ne sortent pas de zones d'articulation qui sont proches. Et il ne faut pas aussi qu'ils sortent de zones d'articulation qui sont écartées. Hein? Je vais donner un exemple. On raconte qu'un bédouin, on lui a demandé où as-tu laissé ta chamelle. Aïna tarakta naqatak? Et il a répondu, il a dit taraktuha tar'al'uh khu'. Taraktuha tar'al'uh khu'. Je l'ai laissé paître le'uh khu'. Il a employé ce terme-là. Ce terme-là n'est pas éloquent. Les lettres se repoussent. Ils sortent de zones d'articulation hein, qui sont proches. Ils sortent toutes de la gorge. Le ha, le ha, le ha, comme on a étudié dans les leçons précédentes, les zones d'articulation, là, c'est les huruf, le halq, des huruf, des lettres qui sortent de la gorge. Et là, il les a mis ensemble, il a employé un mot où ces lettres-là sont mises ensemble. Et donc, ils se repoussent. Le c'est quoi? C'est le shih. C'est une herbe qui pousse dans le désert. Le shih, c'est, je pense que c'est l'armoise. C'est l'armoise. Hein? Au lieu de dire shih, il a employé un terme qui est bizarre. Un terme qui a un sens, certes, mais qui n'est pas éloquent. Donc, premier critère, c'est ça. Deuxième critère, c'est pour qu'un mot soit éloquent, fasih, il faut éviter d'employer des termes, il faut qu'il ne soit pas étrange, inédit. Un mot qui est désuet ou qui n'est pas employé par le commun des gens. Hein, il faut éviter l'emploi de ces mots qui sont étranges. Hein, on raconte que Issa ibn Omar Thaqafi, un linguiste, était un jour sur sa monture et puis il est tombé. Il a eu un malaise, il est tombé de sa monture et une foule de gens s'est réunie autour de lui. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit quand il les a vus l'entourer? Il a dit « Ma lakum taka'akatum alayya, kataka'akoukum ala zi jinnatin, ifranqi'u anni. » Donc il a employé une phrase où les mots sont étranges. Hein? Il a employé des mots qui sont étranges. « Ma lakum taka'akatum alayya. » Pourquoi vous vous êtes réunis autour de moi? Hein? Comme si j'étais quelqu'un de fou. Écartez-vous de moi. Au lieu d'employer le verbe ijtama'a, réunir, il a employé le verbe qui est étrange. Et au lieu d'employer le verbe insarifu anni, ibta'idu anni, il a employé le verbe ifranqi'u anni, ifranqa'a. C'est un verbe qui a un sens, qui a ce sens-là, mais qui n'est pas éloquent, il est étrange. Et l'un de ceux qui était réuni autour de Issa ibn Omar, il a dit « Da'ou, fa'inna jinniyatahu tatakallamu l'hindiya ». Il a dit « Laissez-le, la diablesse qui l'habite parle la langue indienne. » Parce qu'il emploie des mots qui sont étranges. Donc ça, c'est l'autre critère. Un troisième critère, les linguistes disent « Adam mukhalafat al-qiyas al-lughawi ». C'est qu'il ne faut pas que le mot diffère des règles de la grammaire. De la grammaire, de nahu et de sarf. C'est comme dans un poète, dans un vers de poème où le poète dit Alhamdulillah al-Ali al-Ajlali. Louange à Allah le Très-Haut, l'Ajlal le Vénérable. L'Ajlal, là, c'est un mot qui n'est pas conforme aux règles de l'arabe, hein, parce que normalement, on dit l'ajal. L'ajal, c'est de les deux lames, il doit y avoir une élision entre, hein, entre ces deux lettres, il doit y avoir une élision entre elles. Hein. L'ajal, il faut les réunir. L'ajal, non, c'est contraire aux règles de la grammaire. Hein. Ou quand le poète dit Fafinasi laha watobulu, il y a chez les gens des trompettes et des tambours. Bourqat, trompette, normalement on dit c'est le pluriel de bourg. Bourg, c'est une trompe. Au lieu de dire une trompette, pardon. Au lieu de dire abouak, parce que le vrai pluriel de bourg, c'est abouak, il a dit bourqat. Il a, donc là, il a divergé des règles de la grammaire. Et bon, les rhétoriciens, ils ont bon, mis des conditions pour l'éloquence du mot, de la parole ou du mot. Ils ont dit que ça revient aussi au goût des gens. Et aussi, ça varie en fonction des cultures, en fonction des milieux, et en fonction aussi de certaines règles de la grammaire. Hein. Donc, j'ai parlé des critères de l'éloquence du mot, maintenant les critères de l'éloquence de la parole. Alors les critères de l'éloquence de la parole, de l'énoncé ou de la phrase, c'est qu'il faut, pareil, il faut que les mots qui composent cette phrase ne se repoussent pas. Les mots qui composent cette phrase ne se repoussent pas. Parce que les mots aussi, il y a des mots qui sympathisent, qui vont ensemble, et il y a des mots qui ne vont pas ensemble, qui ne s'acceptent pas. Les rhétoriciens, ils ont donné un exemple d'un vers de poème où les mots se repoussent. C'est le vers suivant. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر قبر حرب قبر حرب hein? C'est pas éloquent comme verbe de poème. وقبر حرب, bon, la tombe de حرب, حرب c'est le nom d'une personne. بمكان قفر, c'est dans une zone désertique. وليس قرب قبر حرب قبر, c'est-à-dire il y a pas près de la tombe de حرب une autre tombe. Donc ça c'est un exemple où les mots se repoussent. Donc ça c'est un critère. L'autre critère c'est la complexité. Il faut pas compliquer que ce soit le mot, hein, le mot ou que ce soit le sens. Le mot, faut pas. Ils ont dit taqid lafdi, ça veut dire il ne faut pas mettre un mot qui normalement doit être avant. Il faut pas le mettre devant et vice-versa. C'est-à-dire changer la position des mots, hein, dans une phrase. D'accord? Donc, taqid lafdi, c'est dans tarkib, c'est dans la composition de la phrase. C'est comme je dis, bon, exemple, ça en français, je dis le livre que toi n'as lu personne. La personne ne va comprendre. Le livre que toi n'as lu personne. Maintenant, si je dis personne n'a lu le livre que toi, là, tout le monde va comprendre parce que j'ai remis les lettres, les mots à leur place. Hein? Ça s'appelle taqid lafdi. Il faut s'éloigner de ce taqid-là, de cette complication de ce genre pour que la phrase soit éloquente. Et aussi dans le sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, qu'il faut employer les mots dans leur sens. Hein? Les rhétoriciens, ils donnent l'exemple du mot lisan. Lisan, vous savez, lisan qui est la langue, l'organe dans la bouche, et le lisan qui est le langage. Maintenant, si quelqu'un emploie le mot lisan pour désigner, par exemple, l'espion, hein? On dit par exemple بث الحاكم ألسنته في المدينة. Le gouverneur a déployé ses langues dans la cité. L'emploi des langues est inapproprié. Il n'est pas éloquent. Parce que, bon, l'espion ou langue, ils ne vont pas ensemble. Si par exemple il emploie les oreilles, oui, ça c'est bien, ça convient. Hein? Ça rime avec espion. Le gouverneur déploie ses oreilles dans la cité pour écouter les conversations, pour écouter ce que disent les gens. Hein? ou ses services, ses policiers, etc. Donc les oreilles, ça convient, mais les langues, non. Donc ça, c'est un exemple de taqid, de complication en ce qui concerne la signification, hein, complication sémantique. Hein. Et troisième critère, c'est d'orf ta'lif. D'orf ta'lif, ça veut dire que la phrase n'est pas conforme aux règles de la grammaire. Ça, c'est aussi, si la phrase n'est pas conforme aux règles de la grammaire, elle n'est pas jugée éloquente. D'accord? Bon, la rhétorique. La rhétorique, elle se divise en trois branches. Elle se divise en trois branches. On distingue. Ilmul-ma'ani, la science des significations. Ilmul-bayan, la science de la clarté du discours ou de l'expression ou de la rhétorique des figures. Et la ilmul-badi'. Troisièmement, ilmul-badi'. Ilmul-badi', c'est la science qui traite des procédés esthétisants. Donc, ilmul-ma'ani, c'est la science des significations. Littéralement, c'est la science des significations. Et ilmul-ma'ani, il a un rapport étroit avec la grammaire. Hein? Avec la grammaire. Bon, ilmul-ma'ani, bon, sous cette branche-là, on va étudier le khabar ou l'insha, hein? L'énoncé constatatif, et puis l'insha qui se présente sous différents aspects tels que l'interrogation, l'ordre, l'interdiction, l'espoir, etc. Sous cette branche, on va étudier aussi la concision. Elle est un peu compliquée, elle a un rapport avec la grammaire, mais on va essayer, Inch'Allah. Inch'Allah, si nous restons encore vivants, on va essayer de la simplifier. Et puis, il y a ilmul bayan, c'est la science de l'expression, c'est les figures de style. Hein? C'est une science qui étudie la manière d'exprimer une idée de différentes manières sous le rapport de la clarté de l'expression. Hein? Bon, l'ilm al-bayan, bon, les figures de style, on va étudier sous cette branche, bon, la comparaison, la métonymie, la métaphore, le quoi encore, l'allusion, la périphrase. On va étudier tout ça, inshallah, bi-ithnillah, sous cette branche. Et puis, bon, ilm al-badi', la science des procédés esthétisants, hein, c'est une science, bon, qui a trait aux touches esthétiques. Hein. Et c'est esthétisant, c'est-à-dire, badi', ça veut dire ornement, veut dire embellissement. C'est une science qui a pour souci d'embellir les phrases, d'embellir les énoncés et qui porte sur le choix, le meilleur, le choix des mots qui conviennent et qui tresse aussi de l'assonance, de la rime, etc. D'accord? Ce qu'on appelle fawaz concernant le Coran, fawaz el-ayat. Vous savez, la fin du verset toujours se termine par une rime in, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, ça rime, hein? Il y a une assonance. Donc, ilm al-badi', elle traite de ce sujet-là. Bon, il traite de ce qu'on appelle jinas, mushakala, ça on va l'étudier, inshallah. Bi-idhnillah. On va commencer par ilm al-bayan, la science de la clarté du discours. Les savants, ils ont dit la science de la clarté du discours, c'est le fait de savoir exprimer un sens, exprimer une idée, de différentes manières quant à la clarté de leur signification, sous le rapport de la clarté de leur signification. Si je dis, je vais donner des exemples, on dit un tel, ou je dis par exemple Omar Karim, Omar est généreux, ou je dis Omar kalbahri fil karam, Omar est comme l'océan en générosité, ou je dis Omar yafidu judo, Omar déborde de générosité, ou je dis Omar Kathir al-Ramad, Omar a beaucoup de cendres chez lui. Les cendres. Les cendres, c'est le feu. Quand on allume le feu, bon, il y a les cendres. Ça, c'est dans le. Bon, c'est une autre ambiance, c'est notre milieu, le milieu des Bédouins. On dit qu'Omar, il a beaucoup de cendres dans sa maison. Ça veut dire qu'il qu'il cuit en permanence, qu'il prépare les repas en permanence. Ça, c'est avant qu'il y ait le gaz, il allumait le feu, le bois et tout. Et ça veut dire qu'il recevait beaucoup de gens, qu'il est hospitalier, qu'il est généreux. Donc, Omar, il a beaucoup de cendres chez lui, ça veut dire qu'il est très généreux. Et on dit, Omar a la main longue. Et aussi, ça, c'est aussi, ça implique qu'il est généreux. La main longue veut dire générosité. Voilà, tabassout. Les mains d'Allah sont étendues. Ça veut dire qu'il est généreux. D'accord? Bon, c'est vrai qu'on emploie, je pense qu'en français, on emploie un tel a le bras long, ça veut dire qu'il a beaucoup de pouvoir. Mais là, c'est en langue française, ça obéit à un autre contexte. Ici, je dis quand on dit la main longue, ça veut dire qu'il est généreux. Question. Est-ce que ces phrases-là sont sur le même pied d'égalité concernant le degré de force de signification, concernant la force de signification, concernant l'amplification, hein, la persuasion? Et certes, toutes ces phrases-là tournent autour d'un même point, ça veut dire, c'est la générosité. Il implique le sens de la générosité. Mais en ce qui concerne la persuasion, la force de la signification, la pertinence de la signification, elle diffère. Elle diffère, ça c'est logique, ça c'est on le constate. Hein. Quand je dis Omar est généreux, ce n'est pas que la même chose que quand je dis que Omar est déborde de générosité, ou que Omar hein, est un océan de générosité. D'accord? Donc, ces phrases-là diffèrent. Diffèrent dans la force de la signification, dans leur éloquence. Et ils ont différentes figures, et on distingue ici différentes figures du style. Le style diffère. Hein? Donc, quand je dis Omar, hein, quand je dis Omar Karim, Omar est généreux, là, je m'exprime au sens propre. C'est ce qu'on appelle ala jihati al-haqiqa. Là, c'est le sens propre. Quand je dis que Omar est comme l'océan en générosité, là, j'emploie quoi? J'emploie une figure du style. J'emploie la comparaison. Une figure du style de la rhétorique qui est la comparaison. Je fais tashbih, je compare Omar à l'océan. Quand je dis Omar déborde de générosité, là j'emploie une autre chose, une autre figure du style, j'emploie ce qu'on appelle istiara. J'emploie la métaphore. Quand je dis Mohammed a beaucoup de cendres chez lui, j'emploie hein, la périphrase, j'emploie le kinaya. Et quand je dis Mohammed a la main longue, j'emploie le majaz mursal ou le kinaya. Hein, j'emploie le majaz, le sens figuré. Nous allons, inchallah, expliquer ces figures de style-là. Donc, ces phrases-là ou ces figures de style, est-ce qu'elles diffèrent dans leur éloquence? Hein? C'est-à-dire la force persuasive, pardon, du discours de ces phrases-là. Est-ce qu'elles diffèrent? Est-ce que leur caractère explicite diffèrent? Est-ce qu'ils diffèrent dans leur caractère explicite? Est-ce qu'ils diffèrent dans leur degré de compréhensibilité? La réponse est oui, elles diffèrent. Mais elles véhiculent un même sens. Donc la science du Bayan s'intéresse à la signification d'Alela qui englobe l'éloquence. D'accord? Le caractère explicite. Hein? Les rhétoriciens. Ça, c'est un autre enseignement. Les rhétoriciens ils travaillent sur ce qu'on appelle l'essor de la signification et son déclin. Ulou ou dalala. L'essor de la signification et son déclin. Exemple. Quand je dis Omar Kathir al-Ramad, je dis Omar a beaucoup de cendres chez lui. Hein? Donc, ça veut dire qu'il prépare. Qu'il prépare en permanence, qu'il allume en permanence le feu et qu'il prépare les repas. Ça veut dire que sa maison ne se vide jamais d'hôtes. Et ça implique qu'il est très généreux. Aujourd'hui, tu ne peux pas employer ce genre d'expression pour vanter l'hospitalité de quelqu'un. Ce terme est propre à un milieu déterminé. un milieu et à une époque déterminée. De même, quand je dis Mohamed Jabanul Kalbo, un tel ou Mohamed, par exemple, a le chien docile. Bon, qu'est-ce qu'il véhicule comme signification, cette phrase-là? À une époque, les bédouins qui vivaient dans les tentes, quand quelqu'un s'approche pour leur demander de l'hospitalité, il est reçu par des chiens accueillants, bon, qui font la fête, qui le flattent, etc. Bon, ils sont tellement habitués à l'arrivée des gens qu'ils ont oublié leur rôle de gardien. Et ça prouve que la personne est généreuse, hein? Il reçoit des hôtes chez lui et il est hospitalier. Il les reçoit chaleureusement, il leur donne tout ce qu'il a, hein? Il les régale. Donc ça, c'est quand on dit qu'un tel a le chien docile, ça implique qu'il est très généreux. D'accord. Donc aujourd'hui, si j'emploie cette phrase-là, bon, il dit c'est quoi? Il dit un tel a le chien docile, ça ne veut rien dire. De même, quand on dit un tel a le chien qui attaque ou a le chien voilà, qui mord, ça c'est une métonymie qui implique que la personne, hein, ne reçoit personne, c'est-à-dire qu'il est quelqu'un d'inhospitalier, qui n'est pas généreux, qui est avare, hein. Donc on emploie cette phrase-là. Mais ça, c'est valable à une époque déterminée, c'est plus valable aujourd'hui. Les rhétoriciens, ils travaillent sur ça. D'accord? Ça, c'est une question centrale, la question de la pérennité d'une signification et de son déclin ou de sa tombée en désuétude. D'accord? Le secret, les rhétoriciens travaillent sur le secret de la pérennité d'une signification. Et ce secret, ils ont dit qu'il réside dans beaucoup de points. Ils ont dit qu'il réside dans le point suivant. Ils ont dit que la signification, l'image, la figure de style que donne la phrase ou l'énoncé doit être conçue à partir d'éléments stables dans l'homme et la nature. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça, c'est l'un des secrets. Je vais donner un exemple dans le Coran. Puisque le balara est une science qui a été conçue pour servir et pour prouver l'inimitabilité du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Mal Masih ibn Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulan at-ta'am. Le Messie, Jésus, le Messie, fils de Mariam, n'est qu'un envoyé, et avant lui, bien des envoyés passèrent. Sa mère était parfaitement véridique. Tous deux mangeaient de la nourriture. Tous deux mangeaient de la nourriture. Ça, c'est une métonymie qui indique leur humanité, hein. Ils sont régis par les lois universelles d'Allah. Il leur arrive ce qui arrive au commun des mortels. Ils ont besoin de respirer, de boire, de manger. Et donc, s'ils mangent et boivent, ça implique qu'ils vont se débarrasser de ce qui est des restes, et donc ils vont aux toilettes, ils vont satisfaire leurs besoins. Et donc Allah a employé ce tous deux manger de la nourriture. Ça veut dire que c'est qu'ils ne peuvent pas être des dieux, hein? Que si Isa ibn Maryam mange et boit, et donc il va satisfaire ses besoins, donc il est impossible qu'une personne qui soit dans cet état d'indigence soit un dieu qui est adoré, qui est le créateur des cieux et de la terre. Donc, Allah, il est exempt de ces états-là. Donc, cette image se fonde sur des éléments stables. Hein, la nature humaine, hein, l'indigence humaine, le besoin des êtres, le besoin qu'éprouve l'être humain. Hein, et donc, cette image-là dure. Elle ne tombe jamais en désuétude. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Sourate al-Jumu'ah. L'image de ceux qui furent chargés de la Torah mais qui n'en ont pas assumé la charge est celle de l'âne chargé de livres. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, l'image celle de l'âne chargé du livre, un âne. Ça, c'est un exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a proposé aux fils d'Israël, hein, qui ont reçu la Torah plein d'enseignements, de guidance, mais ils ne l'ont pas mis en application, ils ne l'ont pas mise, ils n'ont pas mis en application ces enseignements, ils ne les ont pas médités. D'accord? Ils ne les ont pas adoptés. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur propose cet exemple-là, il leur dit, celle, l'image est celle de l'âne chargé du livre, un âne qui porte sur son dos la Torah, un âne qui porte sur son dos le Coran ou Sahih al-Bukhari, ou qui porte, je sais pas, l'encyclopédia universalis, ben, il n'en tire aucun profit, au contraire. Hein? C'est une charge dont il veut bien se débarrasser. Et donc, partout dans le monde, et dans toutes les époques, et dans toutes les cultures, l'âne est le symbole de la stupidité. Et donc cette comparaison qu'offre le Coran est stable et pérenne. Elle est éternelle. Et c'est là l'un des aspects de l'ijaz, de l'inimitabilité du Coran. Hein? Donc ça, les rhétoriciens, ils traitent de cette question du secret de la pérennité, d'une signification, de sa tombée en désuétude. Ils ont dit ça, il faut que... bon. L'image qu'elle donne doit être conçue à partir d'éléments stables dans la nature et dans l'homme. Et aussi, ils ont dit que aussi cette image-là sort de l'ordinaire. Bon, il y a beaucoup de critères pour ça qu'ont cité les rhétoriciens. Alors, bon, la première branche des sciences du Bayan, de la science du Bayan, c'est le Tashbih. Nous allons étudier, inshallah, le tashbih, la comparaison. La comparaison, première branche de la science de la signification. Suyuti, il traite la question de la comparaison dans son 53e chapitre de son Itran. Hein. La première phrase qu'il a dite dans ce chapitre est la suivante. Il a dit, la comparaison, at-tashbihu naw'un min ashrafi anwa'i al-balaghati wa a'laha. La comparaison est l'une des plus nobles et des plus éminentes figures de style de la rhétorique. La comparaison, vous savez, elle prédomine dans le langage des gens. Instinctivement, les gens usent de la comparaison pour rapprocher le sens de l'esprit, bon, de leur interlocuteur. Les Arabes dans l'islam tenaient en haute considération le poète ou l'orateur qui fait des comparaisons éloquentes. Ils disaient, ah, il a visé juste. Ah, sa comparaison, il a atteint sa cible. Dans un doublet de versets du célèbre poète Amr al-Qais, ça c'est un poète de l'époque anti-islamique, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Mikarrin, mifarrin, muqbilin, mudbirin ma'an » Il parle de son cheval. Hein? De son cheval, du courage de son cheval et de sa force. Il dit Mikarrin, Mifarrin. Mikar, ça veut dire il attaque à grande vitesse. Mifarrin, et il fuit de la même manière par tactique de combat. C'est pas une fuite de quelqu'un de couard ou de peureux. C'est donc, il avance, il est Mikarrin, Mifarrin. Il attaque à grande vitesse et il fuit par tactique de combat à grande vitesse. Muqbilin mudbirin. Il recule et il avance, mudbirin, il recule. Muqbilin mudbirin ma'an, c'est-à-dire il avance, il recule et tout cela il le fait en même temps. Mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an. Il compare cette vitesse là de l'attaque et de la fuite de son cheval à la chute d'une grosse pierre du haut d'une vallée. Grosse pierre qui chute du haut d'une vallée, la grosse pierre, quand il chute, hein, bon, il a comparé ça, l'avancée et la fuite de son cheval, l'attaque et la fuite, et l'avancée et le recul, à la chute d'une grosse pierre d'une vallée. Et vous savez, quand une grosse pierre tombe, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle fait un mouvement sinusoïdal. Ben, quand ça incite l'imagination. Quand on regarde cette image-là de la pierre, c'est comme s'il avance un petit peu et il recule. Elle fait un mouvement sinusoïdal. Donc ça, c'est l'éloquence de sa comparaison. On a l'impression qu'elle avance et qu'elle recule en même temps. Hein. Alors, bon, ça c'est concernant la comparaison. La comparaison, les mots outils de la comparaison, ce qu'on appelle le comparatif, ils peuvent être des particules, des noms ou des verbes. Ben, exemple de particule, c'est simple. Ka, comme ka, harful kef. Hein? On le traduit par comme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit Summa qasat quloubukum min ba'di zalika, fahiya kal hijarati, ou ashaddu qaswa. Dans Surat al-Baqarah, il a dit Bien loin de là vos cœurs durcir après cela, devenant comme de la pierre ou même plus dur encore. Hein? Donc, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Ça, c'est une comparaison. Bien loin de là, vos cœurs, ça c'est le comparé, vos cœurs, durcir après cela, devenant comme, ça c'est le comparatif, le mot utile, le mot outil de la comparaison, devenant comme de la pierre, et de la pierre, c'est quoi? C'est le comparant. C'est le comparant. Ou même plus dur encore. Donc il a comparé leur cœur à de la pierre. Hein? D'accord? Et le contexte, c'est la dureté. Dans la dureté. Ça, c'est un matal. Un autre exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. Donc la particule, comme j'ai dit, les outils ou les mots outils de la comparaison ou le comparatif peuvent être des particules, des noms ou des verbes. Alors particule, le kaf. Nom, c'est مثل. Hein? Le comparatif est un nom. Mathal. Mathalu, c'est l'image ou le cas. Mathal. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayah, comme dans ce verset-là. Hein? Le cas ou l'image du sort de celui ou de ce qu'il dépense, ou l'image de ce qu'il dépense en aumône dans cette vie immédiate, est comme le cas d'un vent portant un froid intense qui frappe les cultures d'un peuple injuste envers lui-même et qui les anéantit. Surat Al-Imran. Donc ça, c'est le comparatif est un nom qui est représenté par mathal. Le cas, l'image de ce du sort de ce qu'il dépense en amont dans cette vie immédiate. Et comme le cas d'un vent portant un froid intense qui frappe les cultures d'un peuple injuste envers lui-même et qui les anéantit, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Imran. J'ai cité l'exemple d'une particule, j'ai cité l'exemple du nom. Le comparatif peut être aussi un verbe. Exemple du verbe. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. Quant aux œuvres des mécréants, elles sont semblables à un mirage du désert que l'homme assoiffé prend pour de l'eau. Le verbe prendre pour, c'est un verbe de comparaison. C'est un verbe de comparaison. Ça, ce verset-là se trouve dans Surat An-Nur. Alors, les comparaisons dans le Coran, Tashbih fil Coran, Suyuti les a classés en cinq types de comparaisons. Il a dit, premièrement, Tashbih ma la taqa'u alayhi al-hassa bima taqa'u alayhi. Comparer ce qui n'est pas perceptible par les sens avec ce qui est perceptible par les sens. Ou comparer, si vous voulez, l'abstrait avec le concret. Comparer l'abstrait au concret. Exemple, bon, l'exemple précédent, hein. وَالَّذِينَ كَفَرُوا مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ. Oui, c'est ça. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. Surat An-Nur. Quant aux œuvres des impies, ils sont semblables à un mirage du désert que l'homme assoiffé prend pour de l'eau jusqu'au moment où l'ayant atteint, il n'y trouve rien, mais il y trouve Allah qui lui réglera l'intégralité de son compte. Là, il y a une comparaison entre ce qui n'est pas perceptible avec le sens avec l'essence, à savoir les œuvres et aussi la foi, et ce qui est perceptible, à savoir le mirage dans le désert. Ça, on le voit. Bien que c'est de l'illusion, mais on le voit. Hein? On le voit. Ça, le mirage, il apparaît dans le désert sous l'effet de la réfraction des rayons du soleil. La soif fait, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend pour une nappe d'eau. Et quand il y arrive, il ne trouve rien. C'est l'illusion d'une nappe d'eau. Allah, il compare les œuvres des impies, il compare la corruption de leurs croyances au mirage. C'est-à-dire qu'ils ne profiteront pas de leurs œuvres, qu'ils se trompent en pensant que ce qu'ils accomplissent comme œuvre de bien leur ouvrira la porte du salut. Tout cela est mirage. Ben pourquoi? Parce que ces œuvres manquent d'une condition fondamentale qui est la foi en Allah et en son envoyé et hein, la consécration de l'œuvre à Allah subhanahu wa ta'ala, l'ikhlas, tawhid wa l'ikhlas. Hein. Ils ont soif, ils ont de l'espoir que leurs œuvres leur profiteront. Mais non, leurs œuvres ne leur profiteront pas. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré ce qu'ils avaient accompli comme œuvre, nous avons considéré ce qu'ils avaient accompli comme œuvre et nous les avons réduites en poussière éparpillée, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Furqan. Deuxièmement, il y a comparé ce qui est inhabituel avec ce qui est habituel. إخراج ما لم تجري العادة به إلى ما جرت. Comparer ce qui est inhabituel à ce qui est habituel. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. Ça c'est dans surat l'Araf. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, rappelle encore, lorsque nous soulevâmes la montagne, lorsque nous soulevâmes le mont au-dessus d'eux, comme si c'était un nuage ombreux, et qu'ils crurent qu'ils allaient sûrement leur tomber dessus. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Prenez fermement ce que nous avons donné, ce que nous vous avons donné, et rappelez-vous ce qui s'y trouve mentionné afin que vous soyez emplis de crainte pieuse. Ça, c'est une comparaison entre quelque chose d'inhabituel, le fait qu'une montagne soit arrachée de la terre et élevée au-dessus d'eux, parce que le verbe nataqa veut dire arracher et élever au-dessus d'eux. Subhanallah, montagne au-dessus d'une personne, ça c'est quelque chose de miraculeux. Allah a comparé cela à quelque chose d'habituel, qui est le nuage ombreux. Avoir une montagne sur la tête comme un nuage, là c'est extraordinaire. Hein? Et c'est ce qui est arrivé au fils d'Israël. Moussa, subhanahu wa ta'ala, Moussa alayhi salam était au rendez-vous avec Allah sur le mont. Et il a reçu les prescriptions qui furent gravées sur les tablettes de la guidance. Il a reçu ces tablettes-là qui comportent de la miséricorde, des enseignements. Et comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, « وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ. » Nous lui avons écrit sur les tables à propos de toutes choses une exhortation et une explicitation pour toutes choses. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ. Prends-les donc fermement et ordonne à ton peuple d'en tirer le meilleur. Moussa leur a apporté ses enseignements, mais ils refusèrent de s'y conformer. Et ils les ont jugés lourds et pénibles. Et Allah subhanahu wa ta'ala arracha le mont. Il arracha le mont à Tour et le souleva au-dessus d'eux, si bien qu'ils ont réalisé que ça y est, c'est fini, et que le mont va les écraser par terre. Le verbe zanna ici, c'est avoir la conviction, aïkana, Allah subhanahu wa ta'ala dit, rappelez-vous, il a dit, il faut vous conformer à ces prescriptions, et ils ont refusé. Donc, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُمْ بِهِمْ وَاقِعُمْ بِهِمْ, c'est-à-dire, ça y est, ils ont réalisé que ça y est, il allait leur tomber dessus, il allait les écraser. Il n'a pas, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, سَيَقَعُ بِهِمْ, il va tomber dessus, non, وَاقِعُمْ, c'est fini, il va tomber sûrement, par Allah. وَاقِعُمْ بِهِمْ, il n'a pas employé le verbe, mais il a employé le nom. Et ils ont crié, nous allons obéir, et Allah subhanahu wa ta'ala a remis le mont à sa place. Et subhanallah, après cela, ils ont désobéi à Moussa alayhi salam. Donc ça, c'est une comparaison entre ce qui est inhabituel et ce qui est habituel. Il y a aussi le fait de comparer ce que l'esprit ne veut pas saisir avec... ne peut pas saisir... comparer ce que l'esprit ne veut pas saisir avec ce que l'esprit peut saisir d'après ce qu'on voit d'habitude. Comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ. Ça c'est dans surat al-Hadid, surat al-Fiqh. Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que le ciel et la terre destiné à ceux qui croient en Allah et en ses envoyés. Donc l'ampleur du paradis, l'esprit ne peut pas le cerner. L'esprit ne peut pas cerner l'ampleur du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala compare cela à l'ampleur des cieux et de la terre. Au moins, les cieux et la terre, la personne, l'homme, il regarde les cieux, il regarde le ciel, il regarde la terre. Et là, bon, ça c'est troisièmement. Quatrièmement, c'est la comparaison entre quelque chose qui n'est pas considérable en matière de force, d'ampleur, de grandeur, avec quelque chose qui est considérable. Hein? Je donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. Ça c'est dans surat Ar-Rahman. C'est à lui qu'appartient les vaisseaux façonnés par les hommes, entre parenthèses par les hommes, qui évoluent en mer comme des montagnes. Là il a une comparaison entre les navires et les montagnes qui sont géantes. Donc c'est une comparaison entre quelque chose qui n'est pas vraiment considérable en matière de force et de grandeur avec quelque chose qui l'est vraiment. Alors cinquièmement, comparaison de ce qui est perceptible par les sens avec ce qui ne l'est pas. Qu'on compare ce qui est concret avec ce qui est abstrait. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de l'arbre qui pousse au fond de l'enfer, Zakum, il a dit Tal'uha ka'annahu رؤوس الشياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Ça c'est dans surat Safat. Il a dit dans les fruits de cet arbre, il dit dans les fruits ressemblent à des têtes de démons. Normalement on compare ce qui n'est pas perceptible, ce qui est ambigu ou incohérent avec ce qui est perceptible. On compare ce qui est abstrait avec ce qui est concret pour éclaircir la chose, pour se faire comprendre. Là, c'est l'inverse. En fait, cette comparaison est éloquente, malgré cela. Elle a plus d'impact sur le cœur et l'esprit. Elle te compare une chose que tu connais avec quelque chose que tu ne perçois pas par tes sens, mais qui représente le symbole ici, dans ce verset, il représente le symbole de la laideur, à savoir les démons. L'image des démons est laide aux yeux de tous les gens. Il suscite de l'horreur dans l'âme de toute personne. La nature humaine la répugne, même si on n'a jamais vu cette image-là. Un homme vint... interrogé Ma'mar ibn al-Muthanna, qui est un linguiste célèbre, il a composé le livre Al-Majaz, et il est allé voir Ma'mar ibn al-Muthanna, et il l'a interrogé sur ce verset-là. Tal'uha ka'annahu ru'us ash-shayatin, dont les fruits ressemblent à des têtes de démons. Et dit, comment se fait-il qu'Allah compare cet arbre de l'enfer avec quelque chose avec quelque chose qu'on ignore. Il lui répondit, Allah s'est adressé aux Arabes avec le style qu'ils utilisent. C'était une figure de style qu'ils utilisent. Il a dit, n'as-tu pas entendu le poète Umr al-Qais dire, Ayaqtuluni wal mashrafi mudaji'i wa masnunatun zurqun ka'aniyabi arwali. Il lui a cité cet exemple-là d'un poème, des vers d'un poème d'Umr al-Qais, qui est un poète qui a vécu la période anti-islamique. Il a dit, Allah, il parle le langage, il s'est adressé aux Arabes avec les figures du style qu'ils utilisent d'habitude. Et il lui a cité comme exemple ces vers-là. Ayaqtuluni wal mashrafi mudaji'i wa masnunatun zurqun ka'aniyabi arwali. Comment peut-il me tuer alors que le mashrafi c'est le sabre, alors que le sabre dormait à côté de moi, de même que des lances bien aiguisées comme les canines des roules, comme les canines des djinns, des démons. Le roule, c'est une sorte de démon. On disait que c'est des démons qui barrent le chemin des gens et qui les égarent, les éloigne loin de leur chemin. Bah, c'est une sorte de démon. Donc, quelqu'un... Personne n'a vu les canines du roule d'un démon. Et pourtant, Bro Olqais, il a comparé ses lances, ses armes, aux dents du diable. C'est une image qui est dans l'esprit. Donc, ce genre de comparaison est utilisé par les Arabes et il est éloquent. Il a un pouvoir suggestif, puissant. Hein, vous imaginez, hein, dans le verset du Coran, les fruits de l'arbre. Hein, qu'est-ce qui attire chez les fruits? C'est leur image, leur succulence, leur goût. Mais là, subhanallah, na'oudhu billah, les fruits ils ressemblent à des têtes de démons. Hein, qu'attend-on de tels fruits? Ajib, subhanallah. Certains exégètes disent que les démons ici signifient les serpents. Et les Arabes désignent les serpents par le démon. Il appelle le serpent un démon. En raison de ses mouvements, de sa morsure venimeuse, de ses attaques furtives. Et l'imam Zamakhshari, l'exégète connu, Sahib al-Kashaf, l'auteur du livre Al-Kashaf, exégète, il a dit qu'il y a dans le Coran un verset où cette forme de comparaison, c'est-à-dire où le comparé est concret, le comparant est abstrait, on trouve cet exemple-là dans le Coran. Et il a cité comme exemple le cas des femmes, les femmes que l'épouse du roi, l'Aziz, invita et demanda à Youssouf, alayhi salam, de venir, hein, quand ils ont dit, bon, regardez la femme du roi d'Égypte, elle est tombée amoureuse de son domestique, hein, Youssef alayhi salam. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, elle les a invités, elle leur a donné, bon, un couteau, et puis il a demandé à Youssef de sortir. Et quand ils le virent, فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Quand ils le virent, elles furent séduites par lui et se tailladèrent les mains en s'exclamant, « Grand Dieu, ce n'est pas un être humain, ça ne peut être qu'un ange noble. » Elles l'ont comparé à un ange noble, alors que personne n'a vu l'ange. D'accord? Ça, c'est concernant les exemples que les cinq cas de comparaison que l'imam Suyuti a cité dans son Itqan. Et les rhétoristes distinguent la comparaison où le comparatif, le mot outil est présent, et la comparaison où le comparatif est absent. Et il appelle cette comparaison où le comparatif est absent, comme le terme l'image, comme le terme ressembler, tous ces comparatifs-là, bon, quand une comparaison elle ne comporte pas ces comparatifs-là, on appelle tashbih al-mu'akkad, la comparaison intensifiée. Hein? Mais la comparaison où le comparatif est présent, c'est la plus courante. Hein? Hein? La comparaison sans comparatif, c'est comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa azwajuhu ummahatuhum, dans surat al-Ahzab. Ses épouses, ça veut dire les épouses du prophète sallam, sont leurs mères. Ça veut dire qu'elles sont comme nos mères. Hein? Comme nos mères. Et comme dans le verset où Allah dit: وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Et hâtez-vous vers un paradis de votre Seigneur et hâtez-vous vers un pardon. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Et vers un pardon dont l'ampleur est celle des cieux et de la terre. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Là, il n'y a pas de comparatif, il n'y a pas le terme comme, il n'y a pas le ressembler, il n'y a pas image. Donc, c'est ce qu'on appelle التشبيه المؤكد, la comparaison intensifiée. La comparaison intensifiée, il n'y a pas de comparatif. Normalement, en français, dans la rhétorique française, ils appellent, quand une comparaison ne comporte pas de comparatif, ils appellent ça métaphore. Et ça, c'est bon, c'est la distinction entre. Dans le Coran, on trouve des comparaisons inversées. Le comparé à la place du comparant. Méditez ce verset. وَقَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. Il disait, la vente est semblable à l'usure. Alors que la comparaison devrait être, l'usure est semblable à la vente. C'est la vente qui est la base. C'est la vente. Il devrait dire, l'usure est aussi permise que la vente. Mais là, le Coran, il veut mettre l'accent sur une chose, sur la corruption du cœur de ces gens-là. Pour eux, l'usure est incontestablement illicite. Et si la vente est licite, c'est parce que c'est une forme de transaction qu'on peut adjoindre à l'usure. Hein? C'est la licéité de la vente qui nécessite d'être prouvée. Quant à l'usure, c'est le fait qu'elle est licite, qu'elle soit licite, est incontestable. Ils sont tellement, leur esprit, leur cœur est tellement corrompu qu'ils disent, bon, si c'est quelque chose, s'il y a divergence sur l'autorisation ou non d'une transaction, c'est normalement la vente qui fait l'objet de divergence. C'est pas l'usure. L'usure, là, faut pas en parler. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui. C'est, à la base, c'est riba. Tout est riba. Et la vente n'est qu'une exception. Et comme a dit la femme de Imran aussi, c'est une forme là d'inversion de la comparaison. La femme de Imran, quand il a donné naissance à Maryam, il a dit وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Alors que la comparaison devrait être, il a dit le garçon n'est pas comme la fille. Alors que la comparaison devrait être, et la fille n'est pas comme le garçon. C'est le garçon qui est la base, le comparé, et la fille est en second degré, hein, c'est le comparant. Je parle bien sûr du contexte, c'est-à-dire que la fille n'est pas comme le garçon dans la mission que veut que la femme de Imran, la mère de Maryam, veut qu'il assume. C'est comme s'il il dit, c'est la fille n'est pas comme le garçon. Moi, je veux un garçon parce que je veux vouer à toi un garçon qui a pour mission de réformateur. Il aura affronté les fils d'Israël, les hommes, et donc c'est dur pour une femme d'assumer cette mission. C'est pas une question de. Là, je fais attention. Faut pas comprendre mal ce que je dis. Inna akramakum indallahi atqakum, c'est le plus pieux qui est le meilleur, hein, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, quand il a dit ça, elle veut dire que la fille n'est pas comme le garçon pour porter la grande responsabilité de transmission de messages de vérité, et le garçon n'est pas comme la fille, c'est-à-dire subit les épreuves des hommes, mais là en face de lui des hommes. Donc, là, c'est une inversion, c'est une comparaison qui est inversée. Hein? Mais la femme de Imran, il voulait dire par là, le garçon que j'ai demandé n'est pas comme la fille que j'ai reçue. Voilà, je termine ici, inshallah. Subhanakallahu bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.